Sur un truc j'épite, de vie rapide comme le temps qui passe vite. L'homme ne se rend pas compte, il se prend des cuites. Veut s'échapper de ce monde où stress règne avec solitude et haine. Pas facile de pouvoir mener une vie saine. Il se cherche en permanence. Difficile d'avoir confiance, de trouver sa voie la foi pendant l'adolescence. On pense qu'à faire la fête, encore puéril dans sa tête, plus rien ne nous arrête. Plongé dans nos rêves, on oublie la réalité, les inégalités. Notre créativité, pour la plupart, nous a quittés. Pour ma part, c'est le rap, les textes qui frappent sur des instants qui tapent pour que ça marche. Beaucoup de courage, de patience et persévérance. C'est comme cela qu'on avance. S'élancer dans la vie, c'est dur, car on n'est jamais sûr de son futur. Il faut savoir se serrer la ceinture. Faire partie de ceux qui osent, non de ceux qui causent et dépassent les doses. C'est comme ça que je vois les choses. Car aujourd'hui, il y a beaucoup d'hypocrisie, de promesses qui s'envolent. En somme, de moins en moins d'amour de parole, de parole, on est tous pareils, tous pareils, tous pareils, tous pareils, tous pareils. On est tous pareils, besoin d'oseille, de la bouteille. On ne peut craindre, oublier nos plaintes. On en oublie des choses simples, essentielles, comme regarder le ciel et admirer un coucher de soleil. On est tous pareils, besoin d'oseille, de la bouteille. On ne peut craindre, oublier nos plaintes. On en oublie des choses simples, essentielles, comme regarder le ciel et admirer un coucher de soleil. De soleil. On est tous pareils, juste pareils, besoin d'oseille, de la bouteille. On ne peut craindre, nos plaintes, oublier nos plaintes. On oublie des choses simples, essentielles, comme regarder le ciel et admirer un coucher de soleil. De soleil. Pareil, juste pareils, besoin d'oseille, de la bouteille. On ne peut craindre, oublier nos plaintes, nos plaintes. Des choses simples, essentielles, comme regarder le ciel, admirer, admirer, coucher de soleil, Maintenant je suis lancé pour dévoiler mes pensées, exprimer mes idées. J'ai besoin de me vider sur ce morceau. Je veux du concret, du nouveau. Ma devise va haut, sincère dans nos propos. Rapport à les politiques le faire, ça cause toujours pas de la misère qui nous entoure. Leur priorité c'est remporter de l'argent, oubliant la générosité qui disparaît avec le temps. Conditionné, prisonnier et dominé par des croyances qui influencent sur notre conscience, notre vraie nature, ce que l'on est. Pas ce que l'on sera dans le futur, c'est-à-dire, on pense trop à ce que l'on devrait être. Trop d'entre nous vivent dans le paraître, perdu l'innocence, une vertu qui n'existe que pendant l'enfance. C'est pour ça qu'on est triste, tout le temps à se juger, jamais à observer, sans aucune arrière-pensée. Le moral fracassé à force de regretter le passé, assez de se persécuter. On devrait mieux s'écouter pour pouvoir s'accepter. Je sais que c'est pas facile dans une société où on veut tous exister. Avec aucun défaut, être comme les vedettes à la télé qui se tapettent, leur pec, leur tablette, d'abdos. Et rendent des ados mal dans leur peau. Croyant que dans la vie, ce qu'il faut c'est être beau. Miser sur le charme pour conquérir un maximum de femmes. Assouvir ses fantasmes, le sexe, nous défoncer à la 16. Qu'importe le reste, ce qui compte c'est se mettre à l'aise. Oublier le stress, on est tous pareils. On est tous pareils, besoin d'oseille, de la bouteille. On ne peut craindre, oublier nos plaintes. On en oublie des choses simples, essentielles, comme regarder le ciel et admirer un coucher de soleil. On est tous pareils, besoin d'oseille, de la bouteille. On ne peut craindre, oublier nos plaintes. On en oublie des choses simples, essentielles, comme regarder le ciel et admirer un coucher de soleil. On est tous pareils, juste pareils, besoin d'oseille, de la bouteille. On ne peut craindre, oublier nos plaintes. On oublie des choses simples, essentielles, comme regarder le ciel et admirer un soleil. On est tous pareils, juste pareils, besoin d'oseille, de la bouteille. On ne peut craindre, oublier nos plaintes. Des choses simples, essentielles, comme regarder le ciel, admirer, admirer, le soleil. On est tous pareils.